Pages arrachées à Sylvia Plath. Feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca. Une réalisation de Michel Sidoroff. Deuxième épisode. Une vie. Touche, il ne va pas se rétracter comme un œil. Ce domaine en ovale aussi clair qu'une larme. Voici hier, l'année dernière. Lisses et palmes aiguës pour la flore d'un vaste ouvrage de tapisserie où le vent ne souffle pas. Donne au verre une pichenette de ton ongle. Il tintera comme un carillon chinois au moindre mouvement d'air. Même si dedans personne ne lève la tête ni ne se soucie de répondre, ceux qui habitent là sont aussi légers que du liège, chacun d'eux occupé en permanence. À leurs pieds, les vagues saluent à la file, sans jamais de mauvaise humeur empiéter. En l'air, elles tergiversent, la bride de tenue haute et piaffe comme des chevaux de parade. Au-dessus, les nuages sont installés avec les pompons et le raffinement de coussins victoriens, cette famille, avec ses visages amoureux, pourrait plaire à un collectionneur. Ils sonnent juste comme de la bonne porcelaine. Ailleurs, le paysage est plus franc. La lumière tombe sans répit, aveuglante. Une femme traîne son ombre dans un cercle autour d'une soucoupe d'hôpital toute unie qui ressemble à la lune ou à une feuille de papier blanc. Elle paraît avoir enduré une sorte de guerre éclair privée et vit paisiblement, sans attache, comme un fœtus dans un bocal. La maison surannée, la mère aplatie en une photo, où pour entrer elle a une dimension de trop. La douleur et la colère exorcisées la laissent tranquille maintenant. L'avenir est une mouette grise et bavarde. Ses miaulements ne parlent que de partir, partir. La vieillesse et l'épouvante, comme des infirmières, veillent sur elle. Et un noyé, se plaignant du grand froid, sort en rampant de la mer. Juin 1953. Ça y est, les gros titres claironnent la nouvelle qu'ils vont tous les deux, les Rosenberg, être exécutés ce soir à 11h. Et j'en ai mal au ventre. Je me souviens du récit fait par un journaliste de l'électrocution d'un condamné, avec une précision à soulever le cœur, décrivant la fascination non dissimulée sur le visage des spectateurs, et tous les détails, les données physiques choquantes à propos de la mort, le hurlement, la fumée, un rapport nu et honnête, sans émotion, qui prenait aux tripes par ce qu'il ne disait pas. La grande et belle fille Féline, qui portait un chapeau original pour venir travailler tous les jours, s'est dressée sur un coude sur le divan de la salle de conférence où elle faisait la sieste, abaillée, a dit méchamment, d'une belle voix ennuyée, « Je suis tellement contente qu'il meure. » Elle a balayé la pièce d'un regard vague et suffisant, refermé ses énormes yeux verts et s'est rendormie. Les téléphones sonnent comme d'habitude. Les gens font des plans pour aller passer la longue fin de semaine à la campagne. Et tout le monde est nonchalant, plutôt content. Et personne ne pense beaucoup à tout ce que représente une vie humaine. Les nerfs et les tendons, et les réactions et les réflexes qui ont mis des siècles et des siècles à se développer. Mais ils allaient tuer des gens grâce à ces secrets atomiques. C'est bien qu'ils meurent. Comme ça, nous aurons la priorité pour tuer des gens avec ces mêmes secrets atomiques qui sont si jalousement nôtres, si spécifiquement et inhumainement nôtres. Il n'y a pas de grands cris, pas d'horreur ni de révolte. C'est bien ce qui est terrifiant. L'exécution doit avoir lieu ce soir. Dommage qu'elle ne puisse être retransmise à la télévision. Ce serait bien plus réaliste et profitable que le téléfilm policier courant. Deux personnes réelles qu'on exécute. Aucune importance. La réaction émotionnelle la plus répandue aux États-Unis sera un grand bâillement démocratique, complaisant et banal, exprimant un ennui infini. En mai 1953, alors qu'elle est toujours élève du Smith College à Northampton, dans l'ouest du Massachusetts, Sylvia Plath apprend qu'elle fera partie du petit groupe d'étudiantes sélectionnées parmi 2000 candidates, issues des meilleures universités américaines, pour former l'équipe éditoriale du magazine de mode Mademoiselle, qui doit se réunir en juin à New York. Cette collaboration qui lui permettra de séjourner pendant tout le mois de juin à New York est de loin la nouvelle la plus enthousiasmante de sa troisième année d'études à Smith. Elle ne suffit pourtant pas à endiguer les accès de dépression qui l'assaillent de plus en plus souvent. Psychiatre, électrochoc, psychiatre, tentative de suicide. La cloche de verre, premier et unique roman de Sylvia Plath, paru un mois avant sa mort, en 1963, sous pseudonyme, est le récit 10 ans plus tard de cette dépression. C'était un été étrange et étouffant, l'été où ils ont électrocuté les Rosenberg. Et je ne savais pas ce que je venais faire à New York. Je deviens idiote quand il y a des exécutions. L'idée de l'électrocution me rend malade, et les journaux ne parlaient que de ça. La une, en caractères gros comme des boules de loto, me sautait aux yeux à chaque carrefour, à chaque bouche de métro fleurant le renfermé et les cacahuètes. Cela ne me concernait pas du tout, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander quel effet cela fait de brûler vivant tout le long de ses nerfs. Je pensais que ce devait être la pire chose au monde. New York était déjà assez moche comme ça. Dès 9h du matin, la fausse fraîcheur humide des campagnardes, qui s'étaient infiltrées on ne sait comment pendant la nuit, s'évaporait comme la fin d'un rêve agréable. D'un gris de mirage au fond de leur canyon de granit, les rues brûlantes flottaient dans le soleil. Les toits des voitures bouillaient et étincelaient, la poussière sèche et cendreuse m'emplissait les yeux et la gorge. Je continuais à entendre parler des Rosenberg à la radio et au bureau, je n'arrivais plus à me les sortir de la tête. C'était comme la première fois que j'ai vu un cadavre. Pendant des semaines, la tête du cadavre, ou plutôt ce qu'il en restait, flottait derrière les œufs au bacon de mon petit déjeuner, derrière le visage de Buddy Willard, qui était responsable en premier lieu de cette découverte. Très vite, j'ai eu la sensation de trimballer cette tête de cadavre partout avec moi, au bout d'une ficelle, comme une sorte de ballon noir sans nez, puant le vinaigre. Je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose en moi qui ne collait pas cet été. Je ne pouvais penser qu'au Rosenberg, ou comme j'avais été idiote d'acheter tous ces vêtements inconfortables et chers qui pendaient comme des poissons morts dans mon placard, ou bien comme tous ces petits succès que j'avais accumulés joyeusement au college se réduisaient à néant devant les façades de verre ou de marbre scintillant de Madison Avenue. J'étais censée être on ne peut plus heureuse. J'étais censée être jalousée dans toute l'Amérique par des milliers d'autres collégiennes comme moi. Leur plus beau rêve est de se balader dans les mêmes chaussures en cuir verni, pointure 7, achetées chez Bloomingdale's à l'heure du déjeuner, avec une ceinture de cuir noir verni et un sac en cuir noir verni assorti. Lorsque le magazine pour lequel nous étions en train de travailler toutes les 12 a publié ma photo, buvant un martini dans un corsage étriqué en simili lamé argent, planté sur un gros nuage dodu de tulle blanc, dans un jardin suspendu, entouré de jeunes gens anonymes, à l'allure typiquement américaine, prêtés ou loués pour l'occasion. Tout le monde a dû penser que j'étais prise dans un véritable tourbillon. Il y en aurait pour dire « Regardez ce qui arrive dans ce pays ». Une fille vit pendant 19 ans dans une ville perdue, elle est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas se payer un magazine, et puis elle reçoit une bourse pour aller au college. Elle gagne un prix ici, remporte un concours là, et la voilà aux commandes de New York, comme s'il s'agissait de sa propre voiture. Seulement, je ne contrôlais rien du tout. Je ne me contrôlais même pas moi-même. Je ne faisais que cahoter, comme un trolleybus engourdi, de mon hôtel au bureau, du bureau à des soirées, puis des soirées à l'hôtel, et de nouveau au bureau. Je suppose que j'aurais dû être emballée, comme les autres filles, mais je n'arrivais même pas à réagir. Je me sentais très calme, très vide, comme doit se sentir l'œil d'une tornade qui se déplace tristement au milieu du chaos généralisé. Le même matin, j'avais essayé de me pendre. Dès que ma mère était partie travailler, j'avais pris la cordelette de soie de sa robe de chambre jaune. Dans l'ombre feutrée de la chambre, j'avais fait un nœud coulant. Ça m'avait pris longtemps parce que je suis nulle pour faire des nœuds, et je ne savais pas très bien comment il fallait m'y prendre. Ensuite, j'étais partie à la recherche d'un endroit où accrocher ma corde. Le problème était que notre maison n'avait pas les plafonds qu'il faut. Ils étaient bas, blancs et enduits de plâtre, pas le moindre anneau pour suspendre un lustre, pas la plus petite poutre. Je me suis souvenue avec amertume de la maison que possédait ma grand-mère, avant qu'elle la vende pour aller vivre avec nous, puis avec ma tante Libby. La maison de ma grand-mère était une belle maison dans le style 19e, avec des chambres à haut plafond, des énormes encorbellements pour poser des chandeliers, des placards géants avec des tringles solides, un grenier où jamais personne ne mettait les pieds et qui était rempli de malles, de cages à perroquets, de mannequins de couturiers et avec des poutres aussi larges que des mâts de navire. Mais c'était une vieille maison. Elle l'avait vendue et je ne connaissais personne qui ait une maison de ce genre. Après un moment décourageant, passé à chercher sans succès, avec la corde passée à mon cou, comme une queue de chat jaune, je m'étais assise sur le bord du lit de ma mère et j'avais essayé de serrer la corde avec les mains. Chaque fois que je parvenais à tirer sur la corde assez fort pour sentir mes oreilles bourdonner et le sang monter à mon visage, mes mains faiblissaient, elles laissaient glisser la corde et je me sentais mieux à nouveau. C'est alors que j'ai compris que mon corps possédait plus d'un tour dans son sac. Du genre rendre mes mains molles au moment crucial, ce qui lui sauvait la vie à chaque fois, alors que si tout n'avait tenu qu'à moi, je serais morte en un clin d'œil. Il allait falloir que je le trompe avec le peu d'intelligence qui me restait, sinon il allait m'enfermer pour 50 ans dans une cage absurde, ayant alors complètement perdu la boule. Quand les gens se rendraient compte que j'étais folle à lier, et cela ne manquerait pas de se produire malgré les silences de ma mère, ils la persuaderaient de m'enfermer dans un asile où l'on saurait me guérir. Seulement voilà, mon cas était incurable. Au drugstore du coin, j'avais acheté quelques livres de poche sur la psychopathologie. J'avais comparé mes symptômes avec ceux qui étaient décrits dans les livres, et bien entendu, mes symptômes étaient ceux des cas les plus désespérés. En dehors des journaux à scandale, je ne pouvais lire que des livres de psychopathologie. C'était comme si on m'avait laissé une petite faille grâce à laquelle je pouvais tout apprendre sur mon cas pour mieux en finir. Je me suis demandé, après le fiasco de la pendaison, s'il ne valait pas mieux abandonner et me remettre entre les mains des médecins. Mais je me suis souvenu du docteur Gordon et son appareil à électrochoc personnel. Une fois enfermé, il pourrait m'en faire tout le temps. Et puis j'ai pensé aux visites de ma mère et de mes amis qui viendraient me voir jour après jour, espérant que mon état allait s'améliorer. Mais leurs visites s'espaceraient et ils abandonneraient tout espoir, ils m'oublieraient. Ils seraient pauvres, qui plus est. Au début, ils voudraient que je reçoive les meilleurs soins et du coup, ils engloutiraient tout leur argent dans des cliniques privées comme celle du docteur Gordon. À la fin, quand ils n'auraient plus d'argent, je serais transférée dans un hôpital d'État, avec des centaines de malades comme moi, tous enfermés dans une grande cellule au fond d'une cave. Plus votre cas est désespéré, plus on vous cache. J'ai tiré mon voile noir sur le menton et j'ai traversé les grilles de fer forgé. Je trouvais ça curieux. Depuis le temps que mon père était enterré dans ce cimetière, aucun de nous n'était jamais venu le voir. Ma mère ne nous avait pas laissé assister aux obsèques parce que nous étions encore trop jeunes. Comme mon père était mort à l'hôpital, le cimetière et même sa mort m'avaient toujours semblé irréels. Depuis quelque temps, j'avais très envie de payer à mon père ma dette pour toutes ces années d'abandon. Je voulais aussi m'occuper de sa tombe. J'avais toujours été la préférée de mon père, et il me semblait naturel de porter le deuil que ma mère ne s'était jamais préoccupée de porter. Je pensais que si mon père n'était pas mort, il m'aurait tout appris sur les insectes, puisque c'était sa spécialité à l'université. Il m'aurait aussi enseigné l'allemand, le grec et le latin. Peut-être serais-je luthérienne ? Mon père avait été luthérien dans le Wisconsin, mais comme c'était démodé en Nouvelle-Angleterre, il était devenu un luthérien déchu, puis un athée amer, comme disait ma mère. Le cimetière me décevait. Il était à la périphérie de la ville, sur un sol lourd, comme un dépôt d'ordures, et en marchant dans les allées de gravier, je sentais au loin l'odeur des marais salants. Le vieux cimetière avait belle allure avec ses vieilles pierres tombales usées et ses monuments rongés par le lichen. Mais je me suis vite rendu compte que mon père devait se trouver dans la partie moderne, avec celle datée des années 40. Les pierres tombales dans la partie moderne étaient frustes et bon marché. De temps en temps, une tombe était bordée de marbre, comme une baignoire remplie de terre. Il y avait des bacs en métal rouillé avec des fleurs en plastique, à peu près à l'endroit où devait se trouver le nombril du cadavre. Une fine bruine s'est mise à tomber du ciel et je me suis sentie très déprimée. Je ne trouvais mon père nulle part. Des nuages épais et bas filaient au-dessus du bout d'horizon où s'apercevait la mer, derrière les marécages et les baraques de la plage. Des gouttes de pluie sombre tachaient l'imper noir que j'avais acheté le matin même. Une humidité collante filtrait jusqu'à ma peau. J'avais demandé à la vendeuse « Est-ce que c'est vraiment imperméable ?» Et elle m'avait répondu « Non, aucun manteau de pluie n'est vraiment imperméable, mais il résiste à une averse. » Quand je lui avais demandé s'il existait quelque chose de vraiment imperméable, elle m'avait conseillé d'acheter un parapluie. Mais je n'avais pas assez d'argent pour un parapluie. Avec les trajets aller et retour à Boston en bus, les cacahuètes, les journaux, les livres de poche de psychopathologie et le voyage jusqu'à ma bonne ville natale au bord de la mer, j'avais presque épuisé mes économies new-yorkaises. J'avais décidé que lorsqu'il ne me resterait plus d'argent à la banque, je le ferais. Et ce matin-là, j'avais dépensé tout ce qui me restait en achetant cet imperméable. J'ai enfin trouvé la tombe de mon père. Elle était cachée derrière une autre tombe, tête contre tête, comme on entasse les gens dans les hospices quand il n'y a pas assez de place. La stèle était en marbre rose moucheté, comme du saumon en boîte. Elle ne portait que le nom de mon père et en dessous, deux dates séparées par un trait d'union. J'ai arrangé au pied de la tombe la brassée d'azalée trempée de pluie que j'avais arrachée sur un arbuste à l'entrée du cimetière. Mes jambes ont cédé sous moi et je me suis retrouvée assise dans l'herbe mouillée. Je ne savais pas pourquoi, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me suis souvenue que je n'avais pas pleuré lors de la mort de mon père. Ma mère non plus n'avait pas pleuré. Elle s'était contentée de sourire en disant que la mort avait été sa libération. S'il avait survécu, il serait devenu infirme, invalide à vie, et ça, jamais il ne l'aurait supporté. Il aurait 100 fois choisi la mort. J'ai posé mon visage contre la douce surface de marbre et j'ai hurlé ma peine à la pluie froide et salée. Je savais exactement comment m'y prendre. À la minute même où les pneus de la voiture ont fait crisser le gravier en partant, quand le bruit du moteur s'est évanoui, j'ai sauté du lit, enfilé à toute vitesse mon chemisier blanc, ma jupe verte imprimée et mon imperméable noir. Il était encore humide de la veille, mais cela n'aurait plus d'importance. Je suis descendue, j'ai ramassé l'enveloppe bleu pâle sur la table de la salle à manger et j'ai écrit sur le dos, en grosses lettres maladroites, « Je vais faire une longue promenade ». J'ai laissé le message à un endroit où ma mère le trouverait inévitablement en rentrant. Et puis j'ai éclaté de rire. J'avais oublié l'essentiel. Je suis remontée 4 à 4 et j'ai tiré une chaise devant le placard de ma mère. Je suis montée dessus et j'ai attrapé un petit coffre vert qui était rangé sur l'étagère du haut. J'aurais pu tordre le couvercle entre mes mains nues tellement le cadenas était fragile, mais je voulais faire les choses avec calme et méthode. J'ai ouvert le tiroir supérieur droit de son secrétaire et j'ai sorti la boîte bleue à bijoux de sa cachette sous les mouchoirs parfumés en coton d'Irlande. J'ai décroché la petite clé agrafée sur le velours sombre. J'ai ouvert le coffre et j'ai sorti le flacon de comprimés. Il y en avait plus que je ne l'espérais. Il y en avait au moins 50. Si j'avais dû attendre que ma mère me les accorde un à un, nuit après nuit, il m'aurait fallu 50 nuits pour en accumuler suffisamment. 50 nuits. Cela voulait dire que le college aurait recommencé, que mon frère serait revenu d'Allemagne. Il serait trop tard. J'ai épinglé à nouveau la clé dans la boîte à bijoux, au milieu du fouillis de chaînettes et de bagues en toc. J'ai replacé la boîte dans le tiroir, sous les mouchoirs. J'ai remis le coffre dans le placard et j'ai rangé la chaise exactement à la même place, sur le tapis. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai ouvert le robinet et je me suis versé un grand verre d'eau. Ensuite, j'ai pris le verre et le flacon de comprimés et je suis descendue à la cave. Une lumière faiblarde filtrait à travers les soupiraux. Derrière la chaudière, il y avait un trou noir dans le mur qui disparaissait sous le passage couvert et qui m'arrivait à hauteur d'épaule. Le passage avait été ajouté à la maison après la construction de la cave et construit au-dessus de cette grotte secrète au sol de terre battue. Quelques vieilles bûches bloquaient l'entrée. Je les ai un peu repoussées et j'ai posé le verre et le flacon côte à côte sur une des bûches. J'ai commencé à pénétrer dans le trou. Ça m'a pris un bout de temps pour me coincer là-dedans, mais finalement, après bien des tentatives, j'y suis parvenue et j'étais accroupie comme une naine à l'entrée des ténèbres. La terre était douce sous mes pieds nus, mais elle était froide. Je me suis demandé depuis combien de temps ce petit carré de terre n'avait pas vu le soleil. Ensuite, l'une après l'autre, j'ai remis les bûches couvertes de poussière en travers de l'entrée de mon trou. L'obscurité était épaisse comme du velours. J'ai attrapé le verre et le flacon et, précautionneusement à genoux, la tête baissée, j'ai rampé jusqu'au fond du trou. Mon visage effleurait des toiles d'araignée douces comme de la mousse. Resserrant mon imperméable noir autour de moi comme une ombre secrète, j'ai dévissé le bouchon du flacon et j'ai commencé à avaler les comprimés un à un entre des gorgées d'eau. Au début, il ne s'est rien passé. Mais en approchant du fond du flacon, des lumières bleues et rouges éclataient à intermittence devant mes yeux. Le flacon m'a échappé des mains et j'ai basculé sur le sol. Le silence s'est retiré, dénudant les galets, les coquillages et toutes les petites épaves minables de ma vie. Puis, au bord du visible, il s'est ramassé sur lui-même et d'une seule vague balayant tout, il m'a emporté dans le sommeil. C'était « Pages arrachées » à Sylvia Plath, feuilleton en 5 épisodes, proposé par Béatrice Leca, avec Élodie Hubert, Flora Brunier, Stéphanie Schwarzbrot, Nicolas Struve. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.